The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Superstitious. Superstitieux. To postpone. Reporter. Four-leaf clover. Le trèfle à quatre feuilles. To cross. Croiser. Lucky charm. Le porte-bonheur. Now, a bit faster. To cross. Croiser. Superstitious. Superstitieux. To cross. Croiser. Lucky charm. Le porte-bonheur. To postpone. Reporter. Four-leaf clover. Le trèfle à quatre feuilles. Lucky charm. Le porte-bonheur. Superstitious. Superstitieux. To cross. Croiser. To postpone. Reporter. To cross. Croiser. Now, use the words in context. Superstitieux. Superstitious people think that breaking a mirror brings bad luck. Les gens superstitieux pensent que casser un miroir porte malheur. Reporter. The exams have been postponed until next week. Les examens ont été reportés à la semaine prochaine. Croiser. We will cross our fingers for you during your competition. Nous croiserons les doigts lors de ta compétition. Le porte-bonheur. The number 8 is a lucky number in China. Le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine. Superstitieux. Superstitious people think that breaking a mirror brings bad luck. Les gens superstitieux pensent que casser un miroir porte malheur. Croiser. We will cross our fingers for you during your competition. Nous croiserons les doigts lors de ta compétition. Le porte-bonheur. The number 8 is a lucky number in China. Le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine.